Pour la chronique technologie de l'information, voilà, je vais le dire comme il faut, on rejoint Raymond Poirier. Il est toujours au bout du fil. Salut Raymond. Salut Michael. Donc aujourd'hui, tu nous parles d'identité numérique et de Estonie. Et oui, ça peut peut-être un peu surprendre, mais l'Estonie est un pays quand même qui agit à titre de pionnier en matière d'identité numérique et en matière de l'utilisation des technologies pour développer différents services, différents processus mis en ligne. Alors évidemment, en fait, je pense qu'on est revenu là-dessus sporadiquement au fil des chroniques. Là. L'idée de la présence toujours croissante du web dans l'économie, dans le quotidien, pose toujours un défi qui est important, qui est celui de l'identité sur la toile. Donc, qu'on fasse des échanges en ligne, là, du e-commerce, de la banque en ligne, des sites de rencontres et autres, eh bien, le fait de ne pas pouvoir connaître avec une certitude absolue l'identité de son interlocuteur pose de nombreux risques. Et évidemment, ce problème-là entraîne aussi, d'un côté, certaines préoccupations, certaines réflexions en lien avec ces plateformes-là, et de l'autre, une grosse hésitation aussi en lien avec la mise en œuvre de vote en ligne, par exemple, d'utilisation dans un contexte démocratique du web. Qu'est-ce qui se passe en Estonie, qui est quand même un petit pays, là, donc là, ils sont avant-gardistes? Oui, ils sont avant-gardistes. En fait, c'est assez amusant de tomber sur l'Estonie là-dessus, en fait, dans la mesure où ce sont eux qui sont peut-être ou qui ont été jusqu'à maintenant les plus actifs dans mettre ces éléments-là en place. Donc, c'est un petit pays balte, à peu près 300 000 habitants. Et ce qui se passe là-bas et ce qui distingue peut-être l'Estonie d'autres initiatives, d'autres pays, c'est que dès sa naissance, chaque Estonien se voit attribuer un identifiant national en ligne. L'hôpital, lui, fournit un certificat de naissance électronique, une assurance santé également qui démarre automatiquement. Et dès l'âge de 15 ans, tout Estonien bénéficie d'une carte électronique qui lui permet de l'identifier sur Internet. Pour le volet sécurité, on ne rend disponible qu'un minimum de données sur la carte. Il est très facile donc de l'annuler en cas de perte. Et chaque Estonien a aussi deux codes spécifiques, un pour son identification, donc pour prouver son identité, et l'autre pour donner son accord, donc pour signer des documents, pour effectuer un paiement. Et il y a un service d'authentification dans le pays qui vérifie auprès d'une base de données centrale que la carte et le code correspondent. Et semble-t-il, parce que ça fait 10 ans, eux, qui ont mis en place ces éléments-là, donc jusqu'à présent, semble-t-il qu'il n'y aurait aucune faille de sécurité importante qui a été recensée. Et qu'est-ce que ça permet, par exemple, ce gros virage informatique qu'ils ont pris? Mais ça permet de faire pas mal tout d'emblée, là. Achat en ligne, opération bancaire, signature de contrat, création d'une entreprise. On peut tout faire ça en ligne. La création d'une entreprise, au niveau paperasse, on parle à peu près d'un délai de 15 minutes pour ouvrir une start-up, au bout du compte, pour ouvrir une entreprise en démarrage du côté de l'Estonie. Donc, c'est quand même assez intéressant de ce côté-là. Évidemment, ça reste un petit pays, donc à peu près 300 000 personnes rapidement. De toute façon, faut passer vers l'international. Mais donc, on parle, dans le fond, d'emblée, par exemple, dans la vie quotidienne, on paie son stationnement avec sa carte d'identité. Il n'y a pas de billets de bus, on les achète avec l'identifiant électronique, le téléphone, fini les ordonnances médicales, c'est des ordonnances électroniques qui sont envoyées, donc vraiment tous les services sont concentrés de ce côté-là. Donc, ce qui fait que c'est quand même assez, assez intéressant. Et évidemment, ça veut dire que quand on essaie de démarrer des projets, quand on essaie d'aller chercher, d'aller contacter le gouvernement, tout est déjà concentré dans un seul secteur. Donc, pourquoi ces avancées-là, évidemment? Ce qu'on dit, c'est que l'Estonie est le pays qui a le plus d'entreprises en démarrage, de start-up par habitant. On dit que l'environnement est favorable, évidemment. Donc, créer une entreprise sur Internet, ça prend une quinzaine de minutes. Ça prend des jours en France, des jours au Québec aussi, évidemment. La deuxième raison qu'on essaie d'expliquer pour justifier tout ça, c'est qu'il y a une culture de la réussite accessible aussi. Donc, le pays a commencé sa nouvelle vie capitaliste il y a à peu près une vingtaine d'années. Le pays est indépendant depuis 1991. Donc, tout a dû être construit. Et les premiers entrepreneurs qui ont créé les banques privées avaient à peu près 26 ans. Au bout du compte, le premier ministre estonien actuel n'en a que 34. Alors, il y a donc une espèce de soif d'innovation qui est très, très présente. Et, justement, il y a aussi un exemple assez important qui amène les gens à dire, OK, il y a des possibilités avec le web. C'est l'exemple de Skype. Skype a été développé en Estonie par des Estoniens. Bon, ça a été créé par un Suédois, mais fait en Estonie. Ça a eu vraiment un impact sur la société estonienne, évidemment. On parle donc d'un petit pays, mais qui a abrité une start-up de renommée internationale de ce côté-là. Ben, c'est intéressant que tu mentionnes le fait, effectivement, le pays est jeune, donc il était devenu indépendant en 91, pendant la chute de l'URSS. Donc, cette petite histoire a fait qu'ils n'ont peut-être pas une longue tradition de papier, ce qui a aidé, j'imagine, ce virage numérique. Là, je me lance peut-être dans un historique que tu n'es pas au courant, mais j'imagine que ça a dû aider quand même. Mais en fait, c'est ça, c'est le fait que le pays est jeune et qu'on a pu se dire, ben, OK, si on crée des éléments il y a 10 ans, puis qu'on commence à mettre en place les nouveaux systèmes, ben, le fait peut-être de partir de, je dirais pas de zéro, mais presque au bout du compte, ben, donne quand même une certaine marge de liberté au bout du compte de créer un peu tout ce qu'on veut. On a peut-être un peu moins de poids à supporter, de poids de tradition, de poids d'administration, de poids d'habitude, de poids de législation. Quand on dit, ben, OK, on bâtit des législations, on bâtit des manières de faire, donc on construit au bout du compte de notre société. Il s'agit d'avoir justement des leaders qui veulent faire autrement. Et ça donne un cocktail qui est assez intéressant de ce côté-là. Au niveau du vote en ligne, c'est évidemment, ça reste aussi l'option la plus, peut-être la plus stimulante de ce côté-là, dans la mesure où jusqu'à maintenant, ça semble fonctionner. Évidemment, on va en parler tout à l'heure. Tout n'est pas parfait, loin de là, de ce côté, mais à tout le moins, ils osent beaucoup. Et essentiellement, on est en mesure de voter en ligne de manière assez facile, toujours à partir de ce système d'identification-là. Et ce qui fait aussi qu'on n'a pas besoin d'être au pays pour voter. Donc, il y a des facilités de ce côté-là qui sont présentes et qui viennent enrichir, dans le fond, une culture d'innovation qui elle aussi est présente au bout du compte. Et juste en termes de progression, par exemple, du vote, parce que ça reste une bonne statistique. Donc on parle d'à peu près 31 personnes qui ont voté aux dernières élections, qui l'ont fait sur Internet. En 2005, il y avait 2%. Donc, ça fait encore une dizaine d'années que ça a été mis en place et ça explose aussi littéralement. On parle quand même du tiers des votants qui ont choisi de voter en ligne. Là. Et qui peut-être ne voteraient pas n'iraient pas se déplacer pour voter. Mais tu l'as dit, quand tu le présentes, ça a l'air beau, mais en même temps, lorsqu'on parle de fichiers informatisés comme ça, il y a toujours le risque. On parle de hacking, de piratage. Donc, côté sécurité, tu sembles dire qu'il n'y a pas eu encore de grandes failles de leur côté. Il n'y a pas eu encore de grandes failles, mais ça ne veut pas dire que leur système est parfait. Évidemment, il y a une notion importante là-dedans qui fait que aujourd'hui, on réussit à avoir des systèmes bancaires, par exemple. On réussit à avoir des systèmes d'achat en ligne, mais qu'il n'y a personne qui a encore réussi à faire pleinement, si on peut dire, le saut vers un système démocratique en ligne, où il y a 100% des éléments qui sont faits, parce que justement, il n'y a pas encore de système qui est parfait, et ça peut amener quand même des doutes, des craintes, des préoccupations, qui amènent certaines gens à reculer, ou qui amènent certains rapports à dire, peut-être qu'il faudrait que l'Estonie recule là-dessus. J'ai mis la main sur une analyse de chercheurs de l'Université du Michigan qui ont eu accès, justement, au mode démocratique de l'Estonie à l'élection en 2014, donc pour voir un peu comment ça se passait. Eux disent oui, il y a des points positifs. Donc on les mentionnait, donc l'idée des cartes d'identification nationales qui existent, ça, c'est intéressant. La structure de serveur pour voter, pour échanger est déjà en place, donc c'est un net avantage aussi, il y a une habitude d'utilisation, et ça devient facile, entre guillemets, d'intégrer cette plateforme-là à un processus électoral. Donc ça, c'est le point positif. Par contre, eux disent, il y a presque de points négatifs ou de points qui sont pas encore parfaitement réglés et qui pourraient facilement servir de justificatif pour dire, on le fait pas, on n'est pas encore en mesure de garantir à 100% dans le fond l'imperméabilité de ça. On parle par exemple du fait que certaines procédures qui sont pas suivies à 100%. Donc, au niveau du vote, évidemment, on a des protocoles et les observateurs disent, regardez, les protocoles n'ont pas été suivis à la lettre dans toutes les situations. Donc, il y a des cas qui ont été gérés de manière plus arbitraire par des employés, par du personnel qui prenaient une décision mais qui se référaient pas nécessairement au protocole. On mentionne, par exemple, aussi le fait que il peut avoir aussi des distinctions entre la sécurité au niveau des accès, de la surveillance, du monitoring, etc., etc. Donc, il y a quand même des petites failles qui pourraient permettre à des pirates de s'y lancer si le pays était plus massif, si le pays, par exemple, l'Estonie était comparable aux États-Unis, ben là, il y aurait peut-être un peu plus d'intérêt aussi pour des pirates d'y aller à fond et qui sont peut-être un peu protégés justement par leur petite taille. Mais est-ce qu'on peut comparer qu'un autre endroit qui a quand même déjà fait de grands pas en informatisant ou... Pas tant que ça. En fait, pas avec succès. Pas avec succès. En fait, j'ai une parenthèse sur le fait, par exemple, qu'il y a eu en Alaska, je suis tombé sur un article en farfouillant qui disait, regardez, ça, on a fait une tentative avec justement des votes via PDF et que ça a été donc pas très très efficace là, pour dire en fait, il y avait même dans les conditions d'utilisation, voilà, où on disait, voilà, en retournant ce bulletin de vote par notre système sécuritaire de vote en ligne, vous abandonnez volontairement votre droit à un vote secret et vous assumez qu'il y aura peut-être un risque dans la transmission du fichier. Ça, c'est des conditions d'utilisation. Fait que déjà, ça donnait le ton de l'expérience en Alaska. Donc, ça soulève un peu de questions. Du côté de l'Estonie, ce qu'on essaie, c'est de rendre la chose peut-être la plus transparente possible. Et on s'est dit, on va essayer de développer la plateforme utilisée pour voter à partir d'informations de code libre. Et donc, ce qui fait que les gens peuvent aller voir le code, peuvent aller voir les modifications qui ont été faites au code, ils ont accès donc à la manière dont les votes sont compilés. Donc, c'est quand même intéressant de ce côté-là. Mais parallèlement, ce qu'on dit, c'est que dans cette perspective de, disons, transparence-là, il manque quand même certaines parties du code, des parties qui doivent être gardées privées par sécurité, mais dont on peut pas, dans le fond, garantir à 100%, mais dans le fond, la nature, en lien avec justement les protocoles et le reste. Donc, il y a cette dynamique-là aussi là qui est préoccupante. Et évidemment, après ça, ben, ce qu'on dit, c'est regarder, ça donne peut-être un pouvoir un peu plus important aux gestionnaires de système, aux gestionnaires, aux gens qui s'occupent de l'informatique derrière, justement, le processus de vote. Donc, il peut avoir, de ce côté-là, des failles, des défis particuliers. Donc, encore là, qu'il peut pas avoir une garantie absolue autour de ça. Donc, il y a quand même pas mal de questions qui avaient été soulevées par l'équipe de Ann Arbor là-dessus. Évidemment, en fait, ce qu'on dit, c'est que ça reste une approche innovative à tous ces défis-là, que, d'une certaine façon, dans le fond, en faisant ce choix-là, le choix d'un vote en ligne, mais l'Estonie, dans le fond, s'est dit, ben nous, notre priorité, c'est de développer ce système-là, et donc, on assume qu'il y a des risques, on essaie de les diminuer, mais on assume qu'on n'est pas nécessairement en mesure de garantir une sécurité à 100%. Mais c'est quand même un beau laboratoire, donc on va suivre ce qui se passe du côté de l'Estonie. Merci beaucoup, Raymond. Ça fait plaisir. Bonne soirée. À toi aussi.